Charlotte, rigolote, tu tires les potes, tes potes. Petite capucine, belle copine, avec Delphine, tu dessines ta joie, ton émoi. Charlotte, rigolote, tu tires les potes, tes potes. Petite fleur, ton cœur et bonheur de tes rêves, pour la fève du soir, ton pouvoir. Charlotte, rigolote, tu tires les potes, tes potes. Cherche la vérité, trouve la vérité, avec tes potes, tu tires les potes, des cocottes, des parlottes. Charlotte, rigolote, tu tires les potes, tes potes. Petit amour, d'un jour, devient cœur de fleur qui grandit pour la vie. Charlotte, rigolote, tu tires les potes, tes potes.